minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Monster. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, ça commence maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Pierre avec vous, comme chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30, pour vous présenter Planète Indie, votre émission de découverte musicale. Comme chaque mois, on va vous proposer le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative, mais pas que, puisqu'on fera nos petits apartés, notamment dans le monde de la BD, dans le monde du cinéma aujourd'hui, puisqu'on a un dossier cinéma à vous proposer aussi. Et puis on ira à la découverte de notre album Powerplay. En tout cas, on est parti pour une heure et demie de divertissement. C'est l'épisode 423 de Planète Indie. Eh bien, je vous propose, sans plus tarder, alors de commencer par la programmation musicale de ce soir. On va écouter dans l'ordre, pour commencer, The Room in the Wood, avec un morceau intitulé Blue. Puis ensuite, ce sera Thrift Bakery, et un morceau qui s'intitule, quant à lui, Science Writer. Restez donc bien avec nous, nous sommes ensemble jusque 18h. Bon début de soirée et on est mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur, ça, il n'y a pas photo. Memphis Cruise with spear guns. Foam bubbles rise, shipwrecks, shipwrecks, blue silent world, steady hiss of aqualung. Blue, silent world. cobalt filtered twilight rays, deep fathoms call, shadows glide, coral beds, shipwrecks of time, Memphis kick, the long black fin. Requires penetration and you can't stand a needle prick. You need a formula to get it in. She's a science writer. Conquered cell division. Science writer. She knows what's good for you. And after you read the test results, you want to raise your dosage. But the Nobel Prize winners disagree. Science writer knows what's good for you. Self-medication you should never do. The galaxy is her destination. She can hear the radio waves. You want to join the collaboration. The light years that she craves. You want to be part of the experiment. But you're treated like sediment. You need a formula to get in. Science writer, she's so clinical. Science writer's got the blood work. Dissection makes you squeamish. You want to rotate around her axis, but you just get anaphylaxis. She's a science writer. She'll always tell you the truth. Science writer, she knows what's good for you. You tell her that you do distillation. You're just a sample for titration. You wanna add some levity, but you're in zero gravity. If your temperature's high, it's the freezer for you. If you're getting too hot, the research is through. You need a formula to get in. She's a science writer. She'll always tell you the truth. Science writer. She knows what's good for you. Science writer. Voilà, c'était le groupe Thrift Bakery. Ils se définissent eux-mêmes comme un groupe de pop indépendante, mélodique, mais aussi à la fois excentrique, avec eh bien, quelques petites touches de rap et de hip-hop. On les écoutait avec le morceau Science Writer, et puis on a commencé cette émission, épisode 423, je vous rappelle, de Planet Indie, avec The Room in the Wood, et un morceau intitulé Blue. D'ici quelques minutes, eh bien, nous partirons déjà, pourrait-on dire, puisque c'est un peu plus tôt que d'habitude, mais bon, pourquoi pas changer, hein, faut pas rester dans des cases tout le temps et dans des formatages prédéfinis, voilà ça que je voulais dire. Donc, on ira découvrir notre album Powerplay du jour qui nous emmènera du côté de l'Alberta au Canada. Avant cela, on va encore écouter un morceau. C'est le morceau intitulé Dead in a Dream, interprété par le groupe Castle Black. We'll be right back. Dead in a Dream, mort ou morte dans un rêve, par le groupe Castle Black. Bah, tant que c'est dans le rêve, ça va. Allez, il est 17h16, partons si vous le voulez bien à la découverte de notre album Powerplay. Et ce mois-ci, eh bien, il nous fait découvrir un personnage talentueux, un formidable chanteur, guitariste et pianiste tout à la fois. Ce talentueux personnage s'appelle Jaron Red Raven Sky et c'est un fils des grandes et vastes prairies de la province canadienne de l'Alberta. Talentueux, disais-je, mais il est aussi tout autant perfectionniste. Il a commencé il y a déjà plus de 3 ans l'écriture et puis ensuite l'enregistrement des 25 morceaux de cet album, un album qui s'intitule « I can't take the darkness anymore », je ne supporte plus l'obscurité. Mais ça valait la peine d'attendre tant il y aurait de choses à mettre en avant sur cet album, je devrais même dire ce double album, puisque c'est un double album. À commencer par l'objet lui-même, c'est deux CD, donc, comme je vous le disais, avec une belle pochette, un total de 25 morceaux et puis un joli livret à l'intérieur rempli de photos, de notes et aussi des paroles des chansons qui contiennent des extraits de personnages plus variés les uns que les autres. On y retrouve notamment Nietzsche, Leonard Cohen, Bouddha, Tones Van Zandt, Paulo Coelho, Voltaire ou encore Léonard de Vinci. C'est donc très très éclectique. Et cet éclectisme se retrouve aussi dans la musique de Jaron Red Raven Sky. Eh bien, c'est Jaron, hein, pas Jason, Jaron Red Raven Sky, puisqu'on oscille constamment entre la musique folk, le rock, la musique pop ou encore la country. En premier extrait, eh bien, je vous propose une mazurka à l'exubérance rythmée, dont le thème, eh bien, c'est de nous avertir des dangers de l'hédonisme contemporain. L'album s'intitule « I can't take the darkness anymore ». L'artiste, donc, je vous le rappelle, il s'appelle quant à lui Jaron Red Raven Sky. Et alors, le titre du morceau qu'on va écouter, ça c'est un peu plus compliqué, c'est « Crick, crack, cricky, crack ». Voilà, Jaron Red Raven Sky en powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. Wipe the powder from your nose. Get back, good clap. Lobster toe with lobster claws. Hold up a star and buckle up the laws. Good crack, good clap. What a wonderful world indeed. Oil sailing through the bright blue sea. Good crack, good crack. Elegant makeup, don't you see? Good crack, good crack. Grace be damned, there's a price to pay. Past King Shane, can't imagine how we play. Good o'clock, come on and take a dive with me. Chick crack, good crack, 1, 2, 3. Chick crack, good crack, pitchy, witchy, pitchy, witchy. Chick crack, good crack, 3, 4, 5. Chick crack, chick crack, how we thrive. Hey, ho ho. Bottle of rotten souls. Kick back, good crack. The hurricanes tried, but they lost their pride. Kick back, good crack. People crushed like marmalade. The yacht's too big, but not my blade. Kick back, good crack. Come on, destroy the hive with me. Kick back, good crack. 1, 2, 3. Kick back, good crack. Pitchy, witchy, pitchy, witchy. Kick back, good crack. 3, 4, 5. Kick back, good crack. How we try. Just get some here. Crack, good crack. I want the local driverless, just like good at car. Rude and crude, raped and chewed, private jet soldier bitching about food. Click clack, tickety clack, if you've arrived, then the hell with me. Click clack, good at clack, one, two, three. Click clack, good at clack, witchy, witchy, witchy, witchy. Click clack, good at clack, three, four, five. Click clack, click clack, how we ride on. Je vous ai pas menti hein, quand je vous disais que c'était une mazurka en diablé. Creak, crack, creaky, crack, par Jaron Red, Raven Sky, c'est extrait de notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Et puis en parlant de powerplay, tant qu'à faire, pourquoi ne pas retourner sur celui du mois dernier ? C'était l'artiste belge Art of Empathy avec un album intitulé The End of I. Bon, je vous propose d'écouter un morceau qui est aussi toujours dans l'actualité, Hugging a Stranger, Art of Empathy. No rest for the wicked. Hello, I'm Jeff of Art of Empathy, and you're listening to Planet Indie, more than just... I say who... Zeit. Auch ich habe den Wert der Zeit einst überschätzt. Dann wollte ich 100 Jahre alt werden. In der Ewigkeit aber, siehst du, gibt es keine Zeit. Die Ewigkeit ist bloß ein Augenblick, gerade lange genug für einen Spaß. Just drive, baby. So chasing magic, don't get find your key. Get out of here, the frozen. C'était à l'instant Tom Newman accompagné de Eva Boruta et un morceau intitulé Lady Phoenix. Et avant cela, on était du côté du Danemark avec Tin Niman et un morceau intitulé Into the Daylight. Je vous précise qu'on était du côté du Danemark parce que, eh bien, on va y retourner très très bientôt pour le morceau suivant. Ce sera un artiste, ah ben lui, il n'a pas choisi un nom commercial, Christopher Rosing Show. Et il sera accompagné de Claire Moutebi. Ils nous interpréteront un morceau qui s'appelle Please. Avant cela, je vous propose d'aller voir du côté de la programmation de la Rocale, qui est encore assez bien chamboulée ce mois-ci, puisqu'il y a pas mal d'annulations. Notamment les ateliers jeunes publics, les deux séances qui étaient prévues ce samedi. Elles sont toutes les deux annulées, tant celles pour les 5-8 ans que pour les 9-12 ans. Annulé aussi le concert de Yorgos Fakanas Group. Quoi d'autre? Annulé, non, postposé, pardon, le Dajou, qui était prévu le 11, est toujours prévu à l'heure actuelle, à suivre si ça va se confirmer. Le concert du 13 octobre, Jaga Jazzist. Celui du 14, Death Stars, est postposé, de même que la venue de Tiff Barrow, qui devait venir le 18 octobre. Le 21 octobre, vous devriez pouvoir voir la tournée des 50 ans de Soft Machine. Alors, pour la suite, je vois que le concert des Ogres de Barbac est toujours maintenu à l'heure actuelle, c'est le 22 octobre. La représentation Lord of the Rings and the Hobbit, le concert est bien du 25, est postposé, de même que les musiques de Hans Zimmer, les musiques de films. Cathy Melua est carrément annulée, c'était prévu le 28. Et le 29 est toujours maintenu le Brit Floyd. On ne les présente plus, ils sont déjà venus une paire de fois pour nous présenter, eh bien, ces fabuleux morceaux de Pink Floyd qu'ils reprennent, et si vous fermez les yeux, vous entendez les originaux pratiquement. Le 30 du 10, vous pouvez maintenir dans votre agenda, en tout cas pour l'instant, les Groove Session Live avec Chinese Men, Scratch, Bandits Crew, Barra et Barra Frequencia. Alors, on arrive au mois de novembre, et le 4 novembre, le concert de Salmo est quant à lui annulé. Voilà pour la programmation un peu chamboulée de la rocale. On ira voir tout à l'heure du côté de Neumünster et de la Culture Fabrik ce qui s'y trame. Pour l'heure, on va écouter un autre artiste. Je ne suis pas certain que je voulais déjà programmer. C'est un CD que j'ai déjà depuis quelques mois et je l'ai redécouvert en préparant cette émission. Et je ne sais pas comment il est passé dans les mailles du filet de ma programmation. Il s'agit d'un groupe, enfin d'un artiste accompagné de son groupe, ça s'appelle Spottiswood and His Enemies, avec un très très bon album. Je l'ai réécouté en entier en préparant cette émission. Un album intitulé Lost in the City. Et nous, on va écouter, non pas The Walk of Fame, mais The Walk of Shame par Spottiswood and His Enemies. Please burn this castle down. These damn walls give me claustrophobia. Please take away this crown. Forget about the utopia. Please let the river flow. The dam was poured. Turn the lights down low. Let go your hopes and guilt. M'excuser. je pense que vous avez corrigé vous-même si vous avez été attentif à ce que je vous ai dit. Le morceau qu'on vient d'entendre, c'est bien Please par notre ami danois Christopher Rosing Show, accompagné de Claire Moutebi. Et je ne sais pas pourquoi j'étais si impatient, c'est probablement parce que c'était très bon, de vous annoncer ce morceau de Walk of Shame de Spottiswood and His Enemies. On va l'écouter maintenant, donc on va remettre avec ça toutes les pièces dans le bon ordre, et puis ça va repartir du bon pied. Donc on a bien écouté Christopher Rosing Show, et là tout de suite c'est Spottiswood and His Enemies avec The Walk of Shame. The walk of shame, you've made the Hall of Fame again. Your picture has been framed again. along the walk of shame. No, you won't learn. Your better angels have been spurned again, their dresses torched and burned again. The rain has doused the flames. The streets are lined with last night's broken bottles. You stagger home, a soldier from the battle, cattle to the slaughter. When will it end? This journey through the dark, my friend. You're lonely and you can't pretend you're pretty anymore. The night was so delicious, but now a puddle is a mirror for Narcissus. Better hurry, that's a walk sign. No, don't look back. Don't give yourself a heart attack. The dawn is leaking in through all the cracks. It needs someone to blame. So hurry home. Hole up behind your stone again. Air conditioned and alone again. While they're polishing your name along the walk of shame. Ben j'espère que vous la trouvez comme moi, cette association piano-violon. C'était donc The Walk of Shame par Spottiswoode and His Enemies. 18h pratiquement 45 minutes, on est exactement dans les temps, c'est une bonne nouvelle. Donc je vous propose de retourner sur notre album Powerplay, d'ailleurs Spottiswoode and His Enemies. Je pense qu'ils vont revenir très très bientôt et probablement en tant que powerplay aussi. Pour l'heure, eh bien aujourd'hui, notre powerplay, c'est donc cet album I Can't Take the Darkness Anymore, ce double album I Can't Take the Darkness Anymore de Jaron Red Ravensky, qui a depuis longtemps fait de la musique sa passion. Ça a commencé en fait dès qu'il a entendu ses premières notes de musique à son plus jeune âge. C'est ainsi qu'il s'est lancé, il a appris à jouer du piano et de la guitare. Sans grande surprise, eh bien, ses influences nomment Tom Waits ou son compatriote Leonard Cohen. C'est pas facile, c'est difficile. Il est évidemment sans contrat et puis alors bah, il se met à tourner dans des bars et des clubs, notamment en Europe. Il était en Suisse, il était en Norvège. Il payait ses dettes bien à l'aide de son amour de la scène, c'est ce que je vous disais. Donc il a fait tout cela, notamment donc, dans des pays aussi divers que la Suisse, la Norvège, l'Irlande ou encore, bon, là, on a un peu quitté l'Europe, ou encore les Caraïbes. Ses trois premiers albums ont été publiés sous son nom, son vrai nom, Jaron Red Ravensky, avec un O et pas un A. Il y a eu tout d'abord un album intitulé « Where am I going to ?» en 2002. Et puis après un laps de temps conséquent, 7 ans, en 2009, il sort « This Feeling ». Et enfin, en 2011, un EP intitulé « Stand Still ». Ces chansons, eh bien, elles nous parlent de l'expérience vécue, notamment de devenir une minorité sur la terre de ses ancêtres. Bah oui, Jevon Red Raven Sky, eh bien, il fait partie de, il a une partie, enfin, en tout cas de son sang qui est native, on va pas dire native American, mais on va dire cette fois-ci pour lui native canadienne. De l'extinction de notre habitat naturel, de notre hédonisme contemporain, comme on l'a vu dans le morceau précédent, mais aussi, bien évidemment, de l'amour. Je dis que c'est un double album, on va aller sur le deuxième album maintenant, avec un morceau qui s'appelle Black Crow Cloud. C'est une chanson atmosphérique, eh bien, qui traite de désolation, de poussière, de sécheresse, de désespoir, mais aussi de son héritage de nation primaire, comme je vous disais. Donc il est un native canadien, en tout cas, si pas complètement, partiellement. Voilà, on va écouter ce morceau, Black Crow Cloud, par Jevon Red Raven Sky. C'est notre powerplay donc aujourd'hui. Dans Planète Indie. Power play. Power play. Drought like this in years, grander as memories, goddamn clear. There's a black crow cloud coming down. Dust and dreams done battle round here. Roots gnarled up, left tears and fears. There's a black crow cloud coming down. Bank man, tax man, G man, old man, dad has got a gun. Bank man, tax man, G man, no man, daddy's got a gun. Won't you come around here? God left this place to bring no doubt. There's a black crow cloud coming down. The town burned down, but the fire's inside. The bears kept down and all hope died. There's a black crow cloud coming down. Bank man, tax man, G man, no man, daddy's got a gun. Man, tax man, G man, no man, daddy's got a gun. Why don't you come around here? The future is gone, but the past remains. Nobody wants to know what that means. Black crow cloud coming down. Sellers gone bare, just stand and stare. Stand and stare, stand and stare. There's a black crow cloud coming down. Wobble and fall, wobble and fall. Wobble and fall to the ground. Wobble and fall. Come around here. don't you come around here? This is Brian Tool Hughes of Atopus, and you are listening to Planet Indie. Thank you. Rappelez-vous, le mois dernier, je vous avais parlé de ce nouvel album d'Aetopus. J'avais reçu avec un CD complémentaire de 4 morceaux, un hippie avec des morceaux allongés. C'est la version Variant, enfin la version Deep Variant. L'album s'intitule quant à lui Variant. C'est là, on était en plein dessus avec ce morceau Viridian. On va profiter de la fin du morceau parce qu'il est très long, il fait 7 minutes, pour parler brièvement de notre... dossier cinéma, puisque vous le savez, chaque année aux environs du mois d'octobre, eh bien, c'est le festival cinéiste. Et cette année, pandémie oblige, je reviens avec une 13e, bah oui, déjà 13e édition, une qui sera hybride cette année. Vous allez voir pourquoi. Tout ça se tiendra entre le 8 et le 25 octobre avec une centaine de projections de plus de 45 longs métrages. Et puis il y aura aussi une grande sélection de films disponibles en ligne suite au fait que le nombre de spectateurs dans les salles va être plus que réduit. Cette édition hybride, elle va combiner évidemment des séances physiques comme d'habitude dans une dizaine de cinémas du pays. Cinémathèque Neumünster, le Ciné Utopia, le Kinépolis Kirchberg ou d'autres lieux comme le CNA ou l'ancien cinéma, avec des projections en ligne par l'intermédiaire d'un service de vidéo à la demande. Le pays qui sera à l'honneur cette année, ce sera la Hongrie. Et puis, pour la première fois, le festival présentera également des films de Biélorussie. C'est un autre pays dont on parle beaucoup pour le moment, mais pour de beaucoup moins bonnes raisons, quoique la Hongrie n'est pas spécialement mieux lotie non plus. Des ciné-débats, il y aura aussi une exposition photographique qui sera consacrée au thème principal de cette 13e édition. Et le thème, c'est « Planting the future, our planet and societies at a crossroads », à savoir semer l'avenir, notre planète et nos sociétés à la croisée des chemins. Il y a d'autres événements d'accompagnement, comme notamment un ciné-concert à Neumünster et des concerts au Melusina, avec cette fois-ci un concept de café-concert. Vous pouvez acheter des passes, il y a des passes pures online, donc vous aurez droit, si je me souviens bien, à 10 séances online, donc via internet, ou alors des passes hybrides où vous pouvez combiner 5 séances physiques et 5 séances virtuelles. Plus d'infos, www.cineist.lu, www.cineist.lu. Voilà pour notre dossier, et moi je vous conseille évidemment d'ouvrir vos yeux, d'agrandir votre horizon et d'aller voir. C'est vrai que c'est des films que pratiquement vous ne reverrez difficilement ailleurs, mais au cours des éditions précédentes, moi j'ai toujours trouvé quelques pépites dans ce festival. On poursuit en musique avec Mejram et un morceau qui s'intitule Kalladu ou Kalladu, je ne sais pas très bien comment il faut prononcer parce qu'elle est suédoise et mon suédois n'est pas au mieux de sa forme. Kalladu, Kalladu, Kalladu, mig svag. Kalladu, Kalladu, Kalladu, mig svag. Då är du en kallen, en fegen och en vilsen en. Kalladu, Kalladu, Kalladu, mig svag. fegen och en vilsen än. Kallar du, kallar du. Voilà, bien, je me posais la question, c'était Kaladou ou Kaladu, c'était un peu entre les deux, c'est Kaladu, enfin, difficile à reprononcer. Elle s'appelle Mejram et elle est, si je ne m'abuse, suédoise. 18h06, et bien, que diriez-vous d'aller d'insérer ici notre capsule BD. Alors, ce mois-ci, notre BD mise à l'honneur s'intitule « Au coin d'une ride ». Le résumé est le suivant. Georges ne veut pas sortir de la voiture et pour cause, Eric, son compagnon, l'emmène dans une maison de repos. Georges est atteint de la maladie d'Alzheimer et la situation est devenue trop difficile à la maison. Une fois de retour dans leur appartement, au lieu de la bouffée d'oxygène espérée, c'est surtout un grand vide qu'Eric ressent. Malgré ses visites quotidiennes, l'apparente froideur d'Eric amène Georges à douter des sentiments de son compagnon et à s'interroger sur sa motivation réelle à l'abandonner, entre guillemets, car il ignore que le directeur de l'établissement a demandé à Eric un peu de discrétion quant à la nature réelle de sa relation avec Georges, le temps que chacun trouve ses marques face à cette nouveauté dans la vie bien tranquille et rodée des lieux. Qui ne s'est pas retrouvé un jour devant ce dilemme ? Qui peut être sûr qu'il ne sera pas un jour ? Que ferez-vous ? Qu'avez-vous fait dans une telle situation ? Est-ce de l'égoïsme que de se, entre guillemets, de nouveau débarrasser d'un proche pour le confier à une maison de retraite, à un institut spécialisé, au prétexte qu'il souffre d'une maladie tellement intrusive qu'elle détruit et rend impossible toute vie et de nouveau, entre guillemets, normale ? N'en va-t-il pas de la responsabilité de chacun de s'occuper de ceux qu'il ou elle aime ? Au thème de la maladie et des ravages sociaux qu'elle engendre viennent se greffer ceux de l'homosexualité ou de la différence d'âge en amour. Du coup, on ne sait plus très bien au final de quoi traite ou veut traiter le livre. Cette superposition de thématiques dessert le message. Au lieu d'approfondir un débat, on ne fait que toucher superficiellement à quelques questions de société. Il y avait pourtant de la place pour aller plus loin. On ne peut pas dire qu'avec ses 44 pages, le livre soit une brique. J'aurais aimé que soient plus creusés les dégâts de la maladie. Elle n'a pas l'air si traumatisante, tout compte fait, ou les a priori, qu'ils soient perçus ou réels, de la société vis-à-vis de l'homosexualité. De même, certains caractères auraient mérité un peu plus d'attention. Je pense par exemple au directeur de l'institution, à André, le compagnon de chambre de Georges, ou à l'une ou l'autre des pensionnaires féminines. Par contre, on ne peut pas reprocher à cette histoire de manquer de tendresse. Elle en déborde. Entre Georges et Eric, entre le personnel soignant et les pensionnaires, entre les patients eux-mêmes. C'est gentil, rafraîchissant et plein de bonnes intentions. Le dessin semi-réaliste pourrait être plus travaillé, mais il n'empêche pas d'apprécier cette histoire. Certains effets de style auraient gagné à être renforcés. En voyant Georges avec son inévitable pull rayé, regardé depuis sa fenêtre à croisillon et sous le regard de son colocataire, Eric repartir en voiture, on ne peut s'empêcher d'imaginer un prisonnier rêver depuis sa cellule à sa liberté perdue. Voilà, et bien en conclusion, on peut dire que ce livre a les avantages de ses défauts. Faute d'aller au fond des choses, il a le mérite de susciter le débat. C'est au lecteur à se poser les questions que l'histoire lui inspire. On aimera ou pas le style de dessin, mais l'essentiel du message est ailleurs. A priori plutôt taillé pour les adolescents, cette BD constituera aussi une gentille piqûre de rappel pour les adultes. Je vous rappelle le nom, ça s'appelle « Au coin d'une ride », c'est de Thibault Lambert et c'est sorti aux éditions Des ronds dans l'eau. C'est une réédition parce que la BD avait été sortie initialement déjà en 2014 et elle est ressortie l'an dernier en septembre 2019. Voilà pour notre capsule BD de cette émission Planète Indie. Je vous rappelle que nous sommes ensemble chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30. Et puis que nous serons rediffusés demain dimanche aux mêmes heures et sur les mêmes fréquences. Et puis vous pourrez retrouver aussi le podcast de notre émission sur le site internet www.ilovemusic.ga. L'adresse fonctionne ou pas par à coup, apparemment. Je suis en train d'essayer d'évaluer techniquement ce qui se passe. Sinon, vous tapez Planète Indie dans Google et vous nous retrouverez. Ou alors, eh bien, vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook où vous pourrez discuter avec pas mal d'artistes et d'aficionados de musique alternative et de musique indépendante. Pour l'heure, eh bien, on poursuit donc en musique avec les Chalalas et Before I Let You Down Again, et puis on retournera ensuite sur notre album Powerplay de ce mois-ci. Voilà, c'était les Chalalas, Before I Let You Down Again. Donc c'est une histoire qui se répète, puisqu'on pourrait traduire cela, avant que je ne te laisse tomber à nouveau. Il est 18h15 pratiquement, enfin oui, 18h15. Il est grand temps pour nous de retourner pour la troisième et dernière fois sur l'album de Jaron Red Raven Sky, I Can't Take the Darkness Anymore. Comme je vous l'ai déjà précisé précédemment, eh bien, Jaron, il aime prendre son temps. La composition et la finition de ce dernier album en date lui ont pris pas moins de 3 ans. Ce qui explique aussi pourquoi il l'a enregistré dans pas moins de 3 studios différents en fonction de ses pérégrinations. Il en va de même pour ses acolytes, pas alcooliques, Il en va de même pour ses acolytes. Il s'est entouré d'un petit noyau qui a participé avec lui à ses sessions, tandis qu'une multitude d'autres artistes ont contribué à distance. Et comme quoi, on peut dire qu'il était déjà un précurseur en termes de distanciation sociale. Je ne vous donne pas l'adresse de son site internet, il ne semble pas en avoir. Je sais qu'il a un nom de domaine qui existe, mais il n'y a rien dessus. Donc, vous pouvez chercher, mais à l'heure de cette émission, il n'y a rien sur l'adresse internet. Que vous dire de plus ? Eh bien, si ce n'est vous inviter à écouter ce troisième extrait pour ce soir. Ça s'intitule « I Do Believe » et c'est un morceau aux saveurs de folk irlandais bien vivant. C'est donc notre ami Jaron Red Raven Sky. C'est notre powerplay ce soir dans Planet Indie. Powerplay. Powerplay. Divide. I've glimpsed the truth, kept my eyes open wide. Nobody's deceived me, oh no, not anymore. I know the power of honesty, spirit shall endure. Will I wash the mud from my body and soul? I will not play with the devil no more. So much is lost along the way, we'll shove your bloody wall. The time has come to turn the page, we must write the score. Oh, I do believe that the spirit must be free. Break the chains that you can't see. Oh, I do believe that the greatest currency is the love that we don't see. That passion is beauty and that love will set you free. One, you must lay down the sword. The scars cut deep, they must not be ignored. Beauty and wisdom are too often obscured by the wounds that we carry, the pain we have endured. Oh, I do believe that the spirit must be free. Break the chains that you can't see. Oh, the love that we don't see. That passion is beauty, and that love will set you free. When you reach the crossroads, you best keep in mind greatest intentions can be undermined. Don Quixote and Sancho have shown us the way. 500 years gone by, still we're led astray. Oh, I do believe that the spirit must be free. Break the chains that you can't see. Oh, I do believe that the greatest currency is the love that we don't see. That passion is beauty, and that love, sweet love, oh love, will set you free. Listening. Maybe he plays tonight, maybe he don't. That's alright. Decades come and go, mighty rivers flow, but tales never touch velvet. Tales never touch velvet. Children speak his name. Une fin un peu brutale, c'était Ravensmoreland avec Ghost of Mississippi. Eh bien, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Je vous avais dit qu'on allait encore passer en revue la programmation de nos partenaires, déjà de la Culture Fabrique. Alors, jeudi 8 octobre, il y a l'exposition. Elle se tiendra entre le 8 et le 10 octobre Blue. Jeudi 8 octobre aussi, vous pourrez assister à la périphérie du 38e marché de la poésie de Paris. Ça se passe à 20h. Le 23 octobre, Child X Maz, c'est de la musique et ils sont originaires du Luxembourg. Et puis la release party Heavy Petrol, un groupe luxembourgeois aussi, du 30 octobre pour l'heure est toujours maintenu. En ce qui concerne l'abbaye de Neumünster, eh bien, toujours pas mal de choses. Demain à 11h, c'est toujours ces apéros de jazz. Food Jazzy plus 2 avec Moving and Grooving. Le 10 octobre, de Chris Paulman Band. Le 11 à 11h, facile à retenir, Cédric Henriot. Le 15, Pierre Birnbaum, c'est une conférence, je ne m'abuse, sur la leçon de Vichy. Le 16 octobre et 16 octobre, 17 octobre, il y a pas mal de dates. C'est le Tout Petit Prince. Allez voir, il y a plusieurs dates et plusieurs horaires aussi. Le 17 octobre, vous pourrez voir aussi Martha Daro en concert. 25 octobre, Hefi Quartet, c'est à 11h. Donc, c'est dans le cadre du Cinéiste, donc passerelle entre la musique et le cinéma. C'est une. Hefi est une flûtiste, et si je ne m'abuse, elle est polonaise. Et puis enfin, le 28 octobre, de la danse avec. Nach, voilà, on arrive à la fin de cet épisode 423. Prochaine émission le 7 novembre, donc soyez au rendez-vous. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée demain entre 17h et 18h30, donc sur ces mêmes canaux. Vous retrouverez notre podcast sur notre site internet www.ilovemusic.ga. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook aussi. Moi, j'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale. On va se quitter avec un dernier morceau qui est le groupe Arlonet Doll avec un souvenir Money Rains lors de leur retour. Et puis, je vous signale aussi que la prochaine émission en français sur les ondes de RGL, eh bien, ce sera samedi prochain à 17h aussi. D'ici là, passez une bonne fin de week-end, un bon dimanche, un bon week-end. Portez-vous bien et à dans un mois. Bonjour, c'est Rémi. Bonjour, c'est Eric. Nous sommes Dole. Et vous écoutez Planète Indie. We're trapped in a night so long. We're trapped in a night so strong. Doors are closed. We're trapped forever. Money builds a golden cage. Money's a weapon, the seniors of war. Gives you illusion of freedom. In a world where money reigns, in this world of ours, it hardly seems to weigh. Hand in hand we work together. The seniors of war gives you illusion of freedom in a world. Together, we don't know how it feels, but it doesn't hurt in a world.